L'actualité à Nancy et ailleurs. À vélo avec Chamallow pour la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est une action qui va se dérouler les 9 et 10 septembre de Colmar à Nancy. Une action soutenue par l'Interclub Service. Et pour nous parler de tout cela, nous accueillons en studio Valérie Méoni. Bonjour. Bonjour. Et Noël Descartes, bonjour. Bonjour. Qui représentait donc l'Interclub Service. C'est quoi un Interclub Service ? Alors, c'est une mutualisation des énergies, c'est-à-dire que l'Interclub existe au niveau national depuis 1977. C'est le regroupement des grands clubs services nationaux qui sont le Lions, le Rotary, le Kiwanis et le Zontal Sort Optimiste, entre autres. Et donc à Nancy, depuis 2014, ces clubs se sont réunis, travaillent ensemble sur des actions pour arriver en fait à faire des choses plus grandes, plus beaux, plus efficaces. Voilà, donc on se mutualise. Et là, vous vous rassemblez donc pour un sujet sérieux, d'actualité aussi, c'est la lutte contre les violences faites aux femmes, avec la participation du clown Chamallow, qui va donc parcourir, je vous laisse le présenter un peu, c'est quoi son projet, Noël Descartes peut-être ? Chamallow, le clown Chamallow, a été une victime de violence. Sa maman a emmené ses enfants, il y a 50 ans, de Colmar à Nancy, se réfugier à Nancy. Donc, en souvenir de cet épisode douloureux de sa vie, Chamallow a souhaité effectuer le parcours Colmar-Nancy en monocycle dans un devoir de mémoire et pour rappeler que malheureusement le phénomène est toujours présent 50 ans après, enfin présent et pas en voie de disparition. Et c'est une occasion donc de parler de cette question sur deux jours avec ce parcours en monocycle donc de Colmar à Nancy avec différents temps forts qui vont marquer bien sûr ces deux journées. Déjà au départ de Colmar, qu'est-ce qui va se passer là-bas ? Le vendredi déjà au départ de Colmar, donc le 8 septembre au soir, nous avons organisé une conférence de presse avec Chamallow pour qu'il puisse expliquer le pourquoi de cette action et avec une association locale qui gère aussi de nombreuses femmes victimes de violences sur Colmar. Le départ sera donné le samedi matin, donc à 8h, par le maire de la ville de Colmar qui nous accompagne sur cette opération. Je tiens à signaler parce que c'est important que les élus aussi s'impliquent, bien conscients que la cause est compliquée. Nous arriverons ensuite donc sur Saint-Dié, avec une arrivée, là aussi, avec des élus et des associations, et une conférence sur les violences faites aux femmes, pour expliquer au public, en fait, que cette thématique, malheureusement, comme disait Noël, est toujours bien, bien présente 50 ans après. Et Nancy, donc, c'est le point d'orgue, l'arrivée finale de ce périple de deux jours, vers 17h, à l'autre canal, sur l'esplanade, où on va accueillir le public. Il y aura aussi une conférence, donc, par France Victimes 54, des élus, des questions-réponses, des temps forts, où chacun pourra aussi prendre conscience que cette lutte contre les violences faites aux femmes, elle est dans notre quotidien à tous, parce que forcément, dans notre quotidien, on connaît quelqu'un qui a subi ça. Et donc voilà, l'idée c'est de sensibiliser, l'idée c'est aussi de collecter des fonds. Parce que c'est important, les associations qui gèrent ces femmes et ces enfants, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'enfants victimes collatérales de ces situations. Et les associations ont besoin d'argent pour aider ces femmes, pour les cacher, souvent. Pour les loger. Pour les mettre en sécurité. Pour les accompagner. Les cacher, les accompagner, etc. Le bénéfice de la collecte étant donc redonné à France Victimes 54. Tout à fait. Et comment s'est fait cette rencontre avec le clown Chamallow et son histoire ? En fait, Chamallow, c'est quelqu'un que nous, Club Service, nous sollicitons depuis de nombreuses années quand nous organisons des manifestations avec des enfants. Donc, on a depuis très très longtemps sollicité Chamallow pour qu'il fasse l'animation. Il faut savoir que Chamallow le fait toujours gracieusement. Et puis, au fil des années, on a sympathisé, on a pris contact, la parole s'est un peu déliée et il nous a expliqué son parcours. Il nous a expliqué en fait que derrière, et comme souvent d'ailleurs, derrière son masque de clown, il y avait quand même des douleurs, il y avait des non-dits, il y avait des souffrances énormes. Et voilà, et c'est comme ça. Et quand la parole s'est un peu déliée et qu'on a su ce qui s'était passé et qu'il nous a parlé de son projet, on a pu qu'abonder en fait et l'aider forcément. Donc on rappelle que ce rendez-vous c'est les 9 et 10 septembre de Colmar à Nancy. Pour suivre un peu le périple, poursuivre l'actualité, on peut vous suivre comment ? Vous avez un site pour l'Interclub Service ou Alors on n'a pas de site dédié, mais par contre si les gens veulent nous aider, veulent nous accompagner, veulent aussi parfois, pourquoi pas, accompagner Chamallow à vélo. Ça peut c'est aussi, possible. C'est possible. Hein, c'est-à-dire que lui sera sur son monocycle et si quelqu'un veut faire le parcours avec lui à vélo, c'est tout à fait possible de, symboliquement de l'accompagner. Donc, D'autant plus que vous me disiez en préparant que vous avez le soutien des motards aussi pour tout la sécurité fait. Qui vous accompagnent sur cet événement. Tout à fait, les motards qui généreusement vont faire à la fois la sécurité, le balisage et l'accompagnement avec une très belle arrivée, une haie d'honneur à l'arrivée sur Nancy à l'autre canal. Et il y a aussi une page Helloasso pour soutenir cette action. On a créé une cagnotte dans Helloasso. Helloasso, Sœur Optimiste Nancy, et on trouve toutes les informations liées à cette action et on peut effectuer un don libre. Voilà. Pour soutenir l'association France Victimes 54, voilà. Donc à vélo avec Chamallow pour la lutte contre les violences faites aux femmes, soutenue par l'Interclub Service. Merci beaucoup Valérie Moani, merci. Merci beaucoup Noël Descœurs. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.